Transcription. Horizon, classe 10. Dossier 1, livre page 8. Une semaine après la rentrée, un journaliste visite un lycée. Il interroge trois étudiants, Tania, sa mère et Loris en classe. Que fais-tu pour garder ton lycée propre, toi, Tania ? Moi ? Je ne cueille pas les belles fleurs qui entourent mon lycée, car vivre dans un cadre propre est essentiel. Je sens vraiment de la peine en voyant certains copains de classe écraser des pieds le gazon vert. Et toi, sa mère, comment tu te comportes pour garder la propreté de la classe ? Moi, je ne jette rien par terre. J'essuie la poussière du banc avant de m'asseoir et je suis fier de mon comportement. Et je crois que chacun d'entre nous peut contribuer à la propreté du lycée. Et enfin toi, Loris, comment tu participes à l'amélioration de l'environnement au lycée ? Cette année, notre classe a planté des arbustes dans la cour. Mon devoir est de les arroser chaque jour. J'éprouve un grand plaisir en accomplissant ce travail. Je vous remercie beaucoup.